Lettre 8e, Calpurnie à Sulpici, Rome, février 301. Hier, j'ai voulu parler à Serranus de ton retour, et j'envoyais chez lui, mais il est malade et très inquiet de ne pouvoir aller te chercher lui-même comme il se l'était proposé. En effet, tout est préparé, mais je le remplacerai, mon père me l'a permis. Le bon vieux Phaédo, notre affranchi, m'accompagnera. Adieu donc, dans 4 jours, je suis à toi.